Le printemps est enfin arrivé et lorsqu'on veut se payer une bonne bouffe, on s'en va au restaurant Midas, là où on sait se faire plaisir. Que ce soit pour les déjeuners, la pizza toujours excellente ou encore le dog Midas. Si vous voulez vers Saint-Félicien, un arrêt s'impose au 1084 route 169 à Saint-Félicien au numéro de téléphone 88-679-0900. La direction et le personnel du restaurant Midas souhaitent un bon 150e à la population de Saint-Félicien et les invite à participer en grand nombre aux différentes activités. On va parler des régates de Saint-Félicien. Hier, l'organisation a dévoilé, lors d'un communiqué de presse, les activités ou encore la date de la 10e édition des régates. En ligne, le président des régates, Régent Côté. Bonjour, Régent. Bonjour. Régent, c'est la 10e édition cette année et il y a des belles nouveautés, de nouvelles marinas. Ça va se faire également pendant le 150e de la ville de Saint-Félicien. D'abord, est-ce que la marina a facilité un petit peu le recrutement des équipes? Non, au niveau recrutement, on sait que c'est des équipes qui tiennent à faire tout le circuit nord-américain okay. pour cumuler les points au classement et puis être nommé grand champion à la fin de la saison. Okay. Par contre, ça l'a grandement facilité pour nous la mise à l'eau et l'augmentation de la qualité de spectacle. Okay. L'année passée, il y avait arrivé un incident quand même assez malheureux à la toute fin des régates. Est-ce que le fait que la marina est augmentée, je veux dire, ou a changé, est-ce que ça va augmenter les niveaux de sécurité? Au niveau de sécurité sur l'eau, ben, c'est ouais. hors contrôle. C'est un petit peu Dame Nature qui mène tout ça, mais on a quand même les officiels sur place qui sont des grands professionnels là-dedans et puis qui limitent là, la sécurité au niveau de la vitesse des vents. Et puis pour le restant, ben, on sait c'est de la course, la compétition. Les coureurs sont au courant qu'à chaque détour, à chaque bout droit, ils risquent leur vie. C'est de la haute voltige, c'est de la haute vitesse. Les gars poussent au maximum. Et puis, c'est comme des avions sans ailes, donc ça devient qu'ils peuvent s'envoler ouais. carrément avec la haute vitesse. Fait que sécurité, ben, c'est d'être bien prêt à ces événements-là. Et puis, on met tout en place là, pour minimiser et de venir en secours le mieux possible là, aux personnes qui pourraient avoir de ce genre d'incident. C'est d'éloigner un petit peu le plus possible les bateaux de la foule à proximité peut-être aussi? Aussi, ouais. c'est limité. Il nous donne des distances, là, je crois que c'est 100 mètres à la sortie extérieure du détour. Donc, c'est quand même une bonne distance pour dire quand on les regarde, on aimerait être plus près. Mais pour la sécurité, c'est quand même important. Là. Quand on parle de bolides qui dépassent plus de 275 km/h en vitesse de pointe, c'est quand même... Ouais. 70 équipes qui vont être présentes. On n'a jamais monté aussi haut que ça. Oui, depuis deux ouais. ans, je maintiens okay. Aux environs de 74 équipes. Là, c'est à peu près ce qu'on reçoit. C'est à peu près le maximum ouais. aussi au niveau des catégories qu'on reçoit. Puis je te dirais que c'est comparatif. Si on prend les classes qu'on reçoit, c'est comparable avec Valleyfield et ces endroits-là. Pour en avoir, mettons qu'on aurait 120 embarcations, c'est parce qu'on irait en chercher dans d'autres classes, d'autres catégories. Et puis à ce moment-là, on serait peut-être un petit peu plus à problème pour l'emplacement qu'on a. On a les meilleures classes, on a le plus gros du programme achat qui nous prépare là, la quantité de membres qui ont pour venir courir ici. Comme tu as dit au début de l'entrevue, le fait qu'ils font partie d'un championnat, ça aide au recrutement des équipes aussi, là. Absolument. Absolument. Absolument. C'est pas le déplacement ici à Saint-Félicien pour le coup des bourses, ouais. des choses comme ça qui vont forcer à les faire venir, mais plutôt de dire qu'il faut qu'ils gagnent, il faut qu'ils se classent, puis c'est le titre de champion de mondial à la fin de l'année qui leur confère que c'est plus facile de se trouver des commanditaires pour les années à venir. c'est toutes les questions, tout est lié à ça. Quand on est premier, deuxième, troisième, ben, c'est plus facile d'aller cogner aux portes avec des médailles ou des trophées ben pour oui. dire, regarde, je me suis bien classé l'an passé. Oui. Allez, Régent, si on parlait maintenant dans le cadre du 150e, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de particulier étant donné que c'est les fêtes? Parce que je pense qu'il va y avoir, ça va être un grand week-end d'activité cette fin de semaine-là. Oui, on sait qu'il y a d'autres activités que ouais. le comité du 150e organise un peu dans des rues de quartier, d'autres choses qui vont être en même temps, qui vont un petit peu dédoubler le programme, mais qui va faire des activités pour les gens qui sont amateurs et c'est pas tout le monde qui peuvent s'attacher peut-être au moteur. Donc, exemple, le mari va pouvoir venir à notre activité de jour, puis la dame va préférer peut-être aller voir une rencontre de retrouvailles, ouais. des choses semblables. Mais de notre côté, pour les régates, ce qu'on voulait faire, c'était possiblement de donner une notation rétro, un peu ancienne. On parle de nos vendredis soirs, notre soirée performance organisée par Serge Gagnon. Ben, il va aller rechercher encore plus de voitures antiques. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi du côté des bateaux. Et puis, on veut s'en aller avec une connotation, je dirais, vintage en anglais, là, mais plus antique ou à connotation 150e. OK. Si on parlait du comité, je pense que vous avez rentré des nouvelles personnes aussi cette année dans CA pour un petit peu réduire la tâche des organisateurs puis aussi assurer une survie une relève au comité. Là. Exact. Ouais. On augmente un petit peu le nombre de personnes sur le comité pour en augmenter la qualité en ayant moins de poids sur les épaules de certains individus parce qu'on était peu nombreux. Et puis, les feux changent de couleur tranquillement avec le temps, fait que de la relève ne fera pas tard pour prévoir les prochaines années. On sait, comme moi, directeur général et autres, ben, le comité complet est en place depuis plus de 10 ans. Ouais, maintenant, okay. C'est sûr que tu sens nouveau. Toujours ça. Au niveau du financement, ça a bien été de ce côté-là aussi? Côté financement, parce qu'on sait que notre campagne avait été faite pour les deux ans, 2014 et 2015. C'est quand même, on s'en sort quand même bien. Et puis, les protocoles avec la ville de Saint-Félicien nous permettent de dire qu'on devrait rentrer dans nos sous si Dame Nature est quand même clémente avec nous. C'est sûr que deux journées ou trois journées de gros, grand pluie, grand vent, ben, pourrait être un petit peu plus catastrophique, mais rien de dangereux pour nous, là, après avoir une dizaine d'années de fait dans ce domaine-là. Où on se doit là, de prévoir ces contre-coups. OK. Ben, Régent, à côté, un gros merci. On se reparle sûrement durant l'année. Parfait, je ne manquerai pas. Et puis, on invite les gens à venir nombreux. C'est notre seule médaille qu'on reçoit, nous, c'est de voir l'assistance. Et puis, si on n'a pas d'assistance, ben, on pourra dire qu'on peut compromettre les années à venir. On se doit de s'en aller en augmentation et non en diminution. Donc, les gens, lâchez-nous pas. Venez nous voir et puis vous allez voir que la qualité de spectacle qu'on offre ici là, est sans comparable sur le circuit nord-américain. On a été nommés par les organisateurs comme étant vraiment les grands premiers en organisation. OK, Régent Côté, un gros merci, puis on s'en reparle prochainement. Okay. Régent Côté, président des Régates.